On va parler de la Coupe Grey. On va rejoindre notre ami Patrick Henry de Radio-Canada Edmonton. On devait faire une table ronde, mais finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un conflit d'horaire. Mais là, il y a eu plusieurs petites affaires à Edmonton de fun. On va en parler avec Patrick Henry de Radio-Canada Edmonton. Salut, Patrick. Salut, Danny. Patrick, Randy Ambrose s'est adressé à la nation, comme on pourrait dire. Et est-ce que, moi, il y a des choses intrigantes, pareil. Il y a le dossier d'Halifax. Il y a le dossier également du Mexique qui m'interpelle aussi. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant avec ça? Y en as-tu parlé des deux dossiers? Ouais, parlons d'Halifax en premier. Il va y avoir une annonce qui va être faite ce soir par les gens d'Halifax. On va dévoiler le nom qui a été retenu. J'ai eu la chance de parler avec Anthony Leblanc, là, qui est l'homme d'affaires à la tête du groupe qui veut ramener le football, dans les Maritimes. Il dit qu'il y a deux noms finalistes. Les Storm, je pense, j'ai vu. Le Storm et les Schooners, et c'est très chaud et les gens peuvent encore voter là, au cours de la journée. Donc, il dit, on peut pas encore vous dire, on pourrait même pas vous dire en primeur là, quel nom va être retenu parce que c'était très serré et c'est le vote est entre ces deux noms-là maintenant. Donc, on va annoncer ce soir le nom. Le commissaire, ce qu'il a dit, c'est pas si on aura une dixième équipe à Halifax, c'est quand. Alors, ça semble être pas mal une certitude là, du côté de la CFL que ça va se produire, mais ce qu'il faut, c'est avoir un stade. Alors, la construction du stade, ben on y travaille fortement. Selon M. Leblanc, là, l'objectif ultime, ce serait de pouvoir avoir une équipe, un stade et une équipe en 2021, sinon en 2022. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais c'est assez rapide. Ça se passe quand même, là. On vient de terminer la saison 2018, donc il pourrait y avoir encore deux saisons en neuf équipes, puis dès la troisième, on pourrait avoir une dixième équipe. Pour ce qui est du Mexique, de ce que moi j'en comprends, là, il n'est pas encore question de s'installer là-bas pour avoir pour une équipe, mais l'essentiel, ce serait d'avoir des ententes entre le Mexique et le Canada pour avoir certains des joueurs du Mexique qui viennent ici, parce que là, avec les nouvelles ligues qui sont en train de s'implanter aux États-Unis, on va probablement perdre de bons joueurs américains qui venaient jouer ici. Alors, déjà, il y a une entente qui a été signée ce matin là, pendant la conférence de presse avec des représentants de la LFA, la Liga de football américano-professionnel. C'est une lettre d'intention qui touche plusieurs projets. Alors, c'est déjà confirmé, il va y avoir un camp d'évaluation de la Ligue canadienne à Mexico City cet hiver pour des joueurs de la LFA qui voudraient venir jouer ici. Il va y avoir une coopération accrue, on va partager des ressources entre les deux et il pourrait y avoir des matchs de la Ligue canadienne à Mexico dans les prochaines années. Probablement qu'on va commencer avec des matchs hors concours, mais par la suite avec des matchs peut-être de saison régulière. Et un des projets qui est intéressant, c'est, on dit, on veut continuer à développer le football canadien. Alors, Randy Ambrosie a bien dit, c'est pas parce qu'on travaille à l'international qu'on va arrêter de travailler à l'interne. Donc, on pense qu'on peut faire les deux en même temps. On veut qu'il y ait plus de joueurs de football au pays. On veut développer nos joueurs de football. On veut qu'ils aillent aux universités. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas de vedettes vraiment universitaires qui deviennent des vedettes dans la Ligue canadienne de football. On a parlé de la possibilité de peut-être changer la règle concernant les quarts arrière, le ratio de joueurs canadiens. Mais avant d'en arriver là, il faut qu'on continue à développer nos joueurs. Et une façon de le faire, parce que selon Randy Ambrosie, c'est les joueurs canadiens, souvent, ils arrivent professionnels, ils sont pas nécessairement encore prêts. Il y aurait besoin d'une autre année ou deux autres années avant de faire le saut dans la Ligue canadienne. Parce qu'une fois qu'on a fini le stage universitaire, c'est pas comme au hockey où il n'y a pas une Ligue américaine où on peut aller se développer avant d'arriver dans la Ligue nationale. Alors peut-être que l'entente avec le Mexique, c'est à ça que ça servirait. Les joueurs canadiens qui ont été repêchés par des équipes canadiennes, mais qui sont pas encore prêts à devenir professionnels dans la Ligue canadienne, pourraient devenir pro au Mexique, aller prendre de l'expérience là-bas, jouer plus de matchs pour quand ils font le saut vraiment dans la Ligue canadienne, soit encore plus prêts. Une espèce de club ferme, autrement dit. C'est une espèce de club. C'est un peu comme ça qu'on a semblé le Ligue américaine, Et c'est dur d'être un peu contre ça parce que ça garde nos joueurs canadiens qui jouent parce que c'est ce que les fans veulent voir. Les fans le critiquent beaucoup, le fait qu'on voit beaucoup, on voit des Américains. On veut des bons joueurs, on veut des Canadiens. Des fois, c'est dur d'avoir les deux parce que le bassin de joueurs canadiens n'est pas aussi grand que le bassin de joueurs américains. Donc, c'est peut-être une bonne façon de pouvoir contourner ce problème-là. C'est une solution parce que nos joueurs canadiens, ils vont encore avoir moins de place aux États-Unis avec les deux nouvelles ligues parce que c'est les joueurs universitaires américains qui vont en profiter le plus. Donc, l'option semble intéressante. On va voir. C'est pas quelque chose qui va se réaliser tout de suite, à part le camp d'évaluation cet hiver, mais Déjà, on fait un pas dans la bonne direction. Et on a annoncé aussi ce matin que la Coupe Grey sera diffusée. Le match de la Coupe Grey dimanche va être diffusé en espagnol au Mexique pour la première fois. Alors ça aussi, c'est intéressant parce qu'on intéresse un gros marché. On va rejoindre un gros marché, là, le Mexique, avec un sport qui était pratiquement réservé aux Canadiens. Il y a des percées aux États-Unis qui sont faites. Le match est diffusé aux États-Unis, mais on ne se mentira pas, là, c'est pas encore rempli de partisans du football canadien au sud de la frontière. OK. Mais je trouve ça intéressant pareil. Il y a une vision, Randy Ambrose, comparativement aux autres, hein? Il y a des choses, oui. Ouais. Il y a une bonne équipe de gouverneurs. Les gens, écoute, les gouverneurs le savent que le football se porte. Dans certains marchés, ça va bien. À Edmonton, on peut pas se plaindre. À Calgary, ça va très bien. Je pense qu'il y a des marchés comme Hamilton, en Saskatchewan, ça va très, très bien aussi. Mais il y a des difficultés à Montréal. La franchise, l'équipe va pas bien. Ça a des répercussions sur le nombre de spectateurs. Toronto. On pense à réduire le nombre de sièges, là, au Stade Molson, pour pouvoir mieux le remplir. Alors, on va probablement enlever 3000 sièges la saison prochaine. À Toronto, c'est toujours compliqué. À Vancouver, il y a beaucoup de concurrence aussi. Donc, c'est des marchés qui sont différents. Donc, les gouverneurs sont au courant de ça. Ils doivent être proactifs. Et selon Randy Ambrosi, le travail qui est fait en équipe avec les gouverneurs, c'est du travail très positif. On essaie des nouvelles choses. On va de l'avant. On n'est pas convaincu de toujours en voir la vérité, mais on est prêt à essayer des choses. Et c'est ça l'important, moi, je pense, d'un point de vue extérieur, c'est que la Ligue canadienne a été très longtemps une ligue très traditionnelle où on faisait toujours les choses de la même façon. Écoute, c'est ma 11e Coupe Grey. Et à chaque année, on voit un petit peu de changement dans la façon de faire, mais sinon, l'horaire, c'est la même chose. On s'entraîne aux mêmes heures, on fait les affaires aux mêmes places. C'est très, très, très traditionnel. Et là, ça tend à changer un petit peu avec un commissaire qui connaît bien la Ligue. Il a joué dans la Ligue pendant plusieurs saisons. Alors, il connaît le point de vue des joueurs aussi. C'est un bon administrateur. Alors, ça fait quoi, 16 mois qu'il est là? Ouais. On va continuer à observer ce qu'il fait. Mais jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut parler de bon travail de ça. J'adore vraiment sa vision là, de faire un réseau dans une espèce de club ferme. J'adore ça, l'idée. Vraiment, là, ça pourrait faire développer. Je pense à un gars comme Hugo Richard, qui, je sais pas si ça dit quelque chose, le carrière du Rouge et Or. Du Rouge et Or, oui. Oui, ça pourrait être un. Mais c'est ça, les corps arrière, s'ils veulent continuer à jouer, il faut qu'ils se transforment. Mathieu Bertrand, ça a été ça. Bertrand, son époque, c'était une vedette avec le Rouge et Or. Il est devenu centre arrière. Olivier Brouillette est rendu en défense. Brad Sinopoli, qui joue pour le Rouge et Noir d'Ottawa, c'était un corps arrière à l'université aussi. Il est devenu. Il a joué en défense un peu avec Calgary avant de devenir un des meilleurs receveurs de passe de la Ligue maintenant. Alors, ces gars-là, souvent, les corps arrière, c'est souvent les meilleurs athlètes de leur équipe. C'est pour ça qu'ils sont devenus corps arrière quand ils étaient jeunes. C'est parce que c'était d'excellents athlètes. Mais là, rendus à un niveau où ils n'ont pas joué assez de matchs, parce que le football universitaire canadien, c'est quoi? C'est 8 parties plus les séries éliminatoires. Tandis qu'aux États-Unis, on joue beaucoup plus. Alors, c'est une des choses qui manque. On a besoin de jouer plus de matchs. On a beau s'entraîner, on a beau lancer des ballons pendant une pratique. C'est pas la même chose qu'en situation de match. Et c'est là que les corps arrière canadiens prennent beaucoup de retard sur les autres. Donc, ça réglerait ce problème-là. Patrick, je veux te parler de ce qui se passe là-bas à Edmonton. Est-ce que c'est vraiment, là, écoute, dans l'Ouest, c'est pas comme dans l'Est. À part Vancouver, l'Ouest, Calgary, Edmonton, Saskatchewan, Winnipeg, c'est là vraiment que le château fort des Canadiens. Donc, j'imagine que tous les billets ont été vendus, puis il n'y a aucun problème pour les festivités entourant la Coupe Grey. Ben, les billets, on n'a pas tout vendu. Non. Franchement, il en reste encore quelques-uns, mais c'est des billets, là. C'est des billets en haut. C'est pas nécessairement les meilleurs billets. On est un peu victime de l'économie qui va un peu moins bien parce qu'en 2009, à Edmonton, les billets avaient été vendus en un temps record. Je pense que c'était 2 jours où on avait vendu tous les billets. Faut se rappeler que le stade est gros, hein. Il y a 60 000 billets à vendre. Donc, c'est pas comme si on était en Saskatchewan ou à Toronto au stade BMO. On a même pas 30 000 billets à vendre. Donc, il y en a eu beaucoup qui ont été vendus dès les premières semaines. L'objectif des Esquimaux au début, c'était de battre le record de 2009. Alors, on n'a pas été là. Il reste encore quelques billets, mais on est quand même très satisfait de la vente de billets. Il y a toujours des gens qui attendent à la dernière minute pour savoir qui vont être les équipes qui vont y être. Donc, je pense que s'il y avait eu les Rough Riders qui étaient là au lieu des Stampeders, on aurait rempli il y a 2 semaines. Ça n'a pas été le cas, mais on aura une salle presque comble. Il y a beaucoup de gens à Edmonton. Les gens ont commencé à arriver, surtout hier. Le festival, ça fonctionne très bien. Beaucoup d'activités originales. Ça, c'est, comme je te dis, c'est ma 11e Coupe Grey. Alors, j'ai vu des festivals là avec, on a une tyrolienne, un zipline, on peut faire du ski, il y a des glissades organisées. Tout ça, c'est gratuit. Il y a beaucoup d'actions. Tout est regroupé. C'est le bon côté à Edmonton. Tout est vraiment proche, les activités une de l'autre. Fait que les gens n'ont pas besoin de marcher. À Ottawa, l'an passé, il y avait des choses qui étaient assez éloignées. Il y a des les gens viennent pour les parties le soir organisés par les équipes aussi. Et à Ottawa, c'était dans des bars un peu partout dans la ville. Là, tout se passe presque au centre-ville. Donc, les gens adorent ça parce que s'il y a un party qui est un peu moins le fun, ben ils peuvent tout de suite aller à un autre sans avoir à marcher 30 minutes. Là. OK. Hey, j'ai oublié une question très importante. Tu en as parlé deux fois, puis moi je suis sur beaucoup ce dossier-là. L'arrivée de l'Alliance Football League et de la XFL, est-ce que le commissaire est inquiet? Il y en a, étrangement, il n'y en a pas beaucoup parlé. Ouais. Je m'attendais à ce qu'il en soit question. Je pense que c'est glissé sur le sujet. C'est sûr qu'en plus, en période de négociation avec les joueurs, parce que dès lundi, là, on se met à négocier plus intensivement parce que la convention collective entre la Ligue et les joueurs est à échéance. Donc, pour avoir parlé avec des gens de la Ligue, avec des gens impliqués là, avec les équipes, je sais qu'il y a une certaine inquiétude. Mm. On va perdre certains joueurs américains. L'Alliance va aller chercher des gros noms. On pense, là, on n'est pas certain si Beau Levi Mitchell va revenir à Calgary l'an prochain. Mike Riley à Edmonton, c'est pas certain non plus. Remarque, moi, étrangement, j'avais jamais pensé à Mike Riley dans l'Alliance, mais ce serait possible. Je voyais plus Beau Levi Mitchell faire le saut, mais Riley aussi, pourquoi pas. Peut-être parce que je le fréquente un peu, je le vois un peu plus souvent être à Edmonton, puis que pour moi, lui, il est identifié carrément à la Ligue canadienne de football. Mais puis il est un peu plus âgé que Beau Levi aussi. Oui. Parce que Beau Levi, ça pourrait être aussi la NFL. Il est encore assez jeune pour espérer aller jouer quelques saisons dans la NFL. Donc, peut-être qu'en allant vers l'Alliance, il y aurait l'impression de se rapprocher, d'être un peu plus vu par les équipes de la NFL. C'est sûr qu'eux vont tenter des gros coups. Les joueurs qui vont être des joueurs autonomes, ils vont s'essayer avec eux. Si je me trompe pas, là, il y a 600 joueurs actuellement signés, actuellement dans la Ligue Alliance. Oui, des joueurs qui sont des joueurs probablement... Ouais. Qui jouent aux États-Unis ou des joueurs qui ont fini leur carrière universitaire. Mais je pense que l'Alliance va attendre vraiment qu'il y ait une entente avec la Ligue canadienne où ils vont pas faire de maraudage, ils vont pas venir chercher des joueurs qui sont encore sous contrat. Et les joueurs sont sous contrat jusqu'au mois de février, jusqu'à la mi-février. Donc, à ce moment-là, il y aura peut-être là, une certaine offensive qui va être faite par l'Alliance pour aller chercher des joueurs ici aux États-Unis, au Canada, des joueurs américains, mais qui jouent au Canada. OK. Hey, dis-moi en terminant, les Oilers, on fait parler beaucoup d'eux cette semaine. Écoute, ça fait longtemps que le Gelo est pas pogné à Edmonton. Tom McLean a payé le prix. Écoute, moi j'ai vu un commentaire de Connor McDavid qui a marqué « c'était rendu nécessaire », il a déclaré ça. Donc, ça veut donc dire que ça fait longtemps que pour qu'un entraîneur, pour qu'un joueur vedette parle de cette façon-là d'un entraîneur, ça faisait longtemps que le message passait plus. Parce que il faut le prendre en contexte, Danny. Je pense que ce que Connor McDavid a dit, parce que j'ai vu l'entrevue, il n'y a plus rien qui se passait avec nous, mais c'est pas de la faute de l'entraîneur. Il a spécifié au début, c'est pas de la faute de l'entraîneur, c'est nous autres qui est sur la glace. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe et c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc il était temps que quelque chose se passe. Mais Connor McDavid, le premier, aimait jouer pour Todd McLennan. Moi, je peux confirmer que Todd McLennan n'avait pas perdu son vestiaire. Il y avait peut-être deux ou trois joueurs qui voulaient vraiment plus jouer pour lui. Mais je pense pas que Connor McDavid en fasse partie. Et c'était un gars très apprécié. Les joueurs savent comment ça marche. On connaît la business. Todd McLennan lui-même le savait que ses jours étaient probablement comptés. Je pense que comme bien du monde, il pensait avoir les trois derniers matchs, trois matchs en Californie pour replacer le bateau dans la bonne direction. Il se doutait probablement qu'avec trois défaites en Californie ou avec même seul, peut-être juste une victoire, ce serait difficile d'être de retour à Edmonton avec un emploi. Les Oilers ont décidé d'être un peu plus proactifs et lui ont montré la porte avant le voyage, donc pendant le voyage, parce que ils l'ont fait voyager à San Jose pour le congédier là-bas, ce qui est un peu une drôle de façon de faire là. Les joueurs savent que ce sont eux les responsables sur la glace. Si on veut le regarder d'un point de vue extérieur, moi je pense que Oui, Peter Chiarelli a un peu plus de responsabilité dans ce qui se passe avec les Oilers. Pas nécessairement à cause des transactions qu'ils ont faites, parce qu'on en a déjà parlé. Moi, je vais continuer à défendre la transaction de Taylor Hall jusqu'au bout. Je pense que ça a été une bonne chose, parce que ça a amené de bonnes choses avec Adam Larson, et ça nous a ça a permis à Connor McDavid de prendre du leadership plus rapidement. Mais c'est au niveau du repêchage qu'il faut qu'on commence à regarder du côté des Oilers. Je pense que même si Jesse Puljujärvi est encore un projet intéressant, on peut regarder que cette année-là, on aurait pu aller choisir Mathieu Tkachuk au lieu de... Qu'est-ce qui se passe dans son cas? Parce que je me rappelle, on le voyait gros là, quand il est arrivé à Edmonton. Oui, bien, écoute, moi, j'étais au repêchage cette année-là. Il y a des gens qui disaient peut-être que les Jets vont prendre Puljujärvi au lieu de l'aîné. On pensait qu'il allait peut-être devancer. Ouais. Là, on a vu, après ça, Columbus, au troisième rang, prendre Pierre-Luc Dubois au lieu de prendre Puljujärvi. Ça a été comme, wow, OK, qu'est-ce qui se passe? Le DG de Columbus, qui est lui-même un Finlandais, donc dit, il y a peut-être des contacts, il sait peut-être des choses que les autres savent pas. Je pense que Puljujärvi, de un, n'était pas mature. Il était pas assez, pas prêt à faire le saut dans la Ligue nationale. On l'a pas fait complètement, on l'a pas mis dans la Ligue nationale en disant, ben là, t'es rendu là. Il a fait beaucoup de Ligue américaine à sa première saison. Il a de la difficulté à s'adapter au système de jeu nord-américain. Je pense qu'il y a des choses qui ont de la difficulté. Il y a eu la barrière de langage au début. Je pense que ça, c'est réglé. Mais il a encore besoin de prendre confiance en lui. C'est un joueur qui a toujours été une super vedette. C'est un peu comme... moi, je peux te donner mon propre exemple. À l'école, au secondaire, je réussissais sans travailler. C'était facile, j'avais pas de problème. Je suis arrivé au cégep, je me suis planté un peu. Puis il a fallu que je me replace. Ça m'a pris une année ou deux pour faire ça. Fait que Puljujärvi est un peu comme ça. Ça a toujours été facile, il a pas besoin de travailler. C'était lui le meilleur de son équipe. Là, il arrive dans la grosse ligue et c'est comme, oh wow, OK. Fait qu'il y a des ajustements à faire. Comme je dis, je baisse pas les bras dans son cas. Je pense que c'est encore un beau projet. Mais là, je suis au point où on peut commencer à critiquer, de dire, ben, peut-être que si on avait fait un meilleur travail du côté des recruteurs, des Oilers, avec Peter Chiarelli en tête, ben on aurait peut-être vu que Mathieu Tkachuk avait un plus grand potentiel à court terme. On pense à long terme, mais il faut avoir on repêche des joueurs pour qu'ils nous aident aussi dans les 3-4 premières années. Donc, c'est peut-être de ce côté-là qu'il va falloir qu'on regarde et qu'on fasse le bilan de Peter Chiarelli à la fin de la saison, si jamais les choses n'allaient pas bien pour les Oilers d'ici le mois d'avril. Patrick, on se reparle bientôt, puis dès qu'il se passe de quoi, maintenant, on se reparle. Parfait, c'est toujours un plaisir, Denis. Patrick Henry de Radio-Canada, Edmonton.